Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Bonsoir, vous êtes sur FPP 106.3, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc le programme de la jungle des luttes, on est ensemble une heure et demie. Aujourd'hui, on est content d'accueillir des copains étudiants en France, originaires de Turquie, qui vont avoir l'occasion de nous parler dans un premier temps de la condition en Turquie, du contexte actuel et de ce qui est en train de se profiler grâce aux lois antiterroristes qui sont plus ou moins appliquées dans beaucoup de pays du monde. Et donc on va précisément parler de la Turquie et des cas des étudiants, puisqu'ils sont plus de 500, environ 600 détenus aujourd'hui en prison, pas toujours justement avec des procès ni des preuves tangibles. Donc on va évoquer aussi, également le cas de quelques prisonniers en particulier, de manière à pouvoir exposer la situation. Et donc on en profitera aussi pour parler de la question des prisons spéciales pour les prisonniers politiques, et donc un petit peu ouvrir la question à l'ensemble des prisonniers politiques. On est content de les avoir. Ils sont cinq autour de la table. Il y a sûrement que trois personnes qui parleront, donc Alp, Naël et Esgui. Et voilà, on remercie les techniciens Magali et Pablo. Donc on va commencer comme on a l'habitude par un morceau de musique. Comme on parlera pas beaucoup du Mexique aujourd'hui, hormis le fait que on pourrait toujours faire un parallèle avec ce qui se passe au Mexique, puisque les prisonniers politiques sont très nombreux dans ce pays. On a eu l'occasion d'en parler régulièrement. On a également parlé de la répression dans des différents États. Donc on espère qu'il n'y aura pas de problème technique pour la musique, mais en tous les cas, je vais vous tenir en haleine quelques instants. Donc voilà, on va quand même... Ça ne marche pas ? Donc, bon. Donc, sinon, on passe à notre morceau de musique, hein, histoire de se préparer. Non, il n'y a rien qui marche. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à parler avec Alp, du coup, sachant que c'est une initiative, en fait, qui a été prise par des étudiants qui viennent de Turquie. Vous êtes tous plus ou moins originaires de Turquie, a priori, et vous avez décidé de créer une initiative en solidarité donc avec les étudiants et étudiantes prisonniers. Et donc, avant de se lancer dans le sujet, on se met dans l'ambiance avec un petit morceau de musique, c'est ça ? Ça marche ? C'est bon, musique. À tout de suite et on rentre dans le vif du sujet. Musique. Presque. Donc, ne quittez pas les ondes, 106.3 FPP, la jungle des luttes, avec des petits soucis techniques. On n'a qu'à commencer comme ça, dès que ça marchera, on profitera de la musique. En attendant, on peut commencer du coup avec cette initiative. Alp, si tu voulais nous présenter un petit peu l'initiative. Donc, bonjour à tous. Donc, nous voulons d'abord remercier à Virginie pour nous donner cette opportunité. L'équipe de jungle de lutte et la radio FPP. Donc, nous sommes des étudiants originaires de Turquie. Et nous avons ici créé une initiative de solidarité avec les étudiants détenus en Turquie. Donc, nous sommes en collaboration avec cette initiative qui a été créée en Turquie, qui s'appelle TODI. Donc, le but, c'est d'enrichir la chaîne de solidarité internationale et attirer l'attention du public ici en France et à l'international aussi. Donc, aujourd'hui, nous voulons évoquer la situation antidémocratique dans laquelle il y a à peu près 600 étudiants dont une partie sont nos amis. Il y a 600 étudiants qui sont actuellement détenus pour des raisons politiques. À part les étudiants, il y a aussi des universitaires, il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des chercheurs et il y a des membres des partis politiques aussi. Donc, avant de parler de cette situation actuelle, surtout celle des étudiants, car nous sommes des étudiants, nous voulons expliquer un peu le contexte général. Donc, en Turquie, le processus de pression contre les groupes d'opposition ont été augmentés avec le coup d'État des années 80. Donc, pendant cette époque de coup d'État, milliers de gens qui défendaient leurs droits et libertés ont été condamnés et perdus sous détention. Donc, il y a eu milliers de meurtres non résolus. Et ça a importé le pays dans une situation de guerre civile. Donc, dans un tel environnement politique, en 1982, la constitution plus antidémocratique, la constitution la plus antidémocratique de l'histoire de la République, de la Turquie, a été votée, a été acceptée. Donc, dans les années 80, la pression, cette fois-ci, ça augmente. Et ça a intensifié, ça a été particulièrement intensifié contre le mouvement kurde, qui voulait plutôt égalité et liberté d'expression, mais aussi au peuple kurde. Donc, une massive politique d'assimilation a été appliquée contre le peuple kurde, des expulsions, des brûlements des villages, des migrations forcées et l'interdiction de l'usage et de l'éducation de la langue maternelle, etc. Donc, en même temps, entre les années 93 et 98, le mouvement gauche a été accéléré. Et ce mouvement a réussi à gagner des droits assez importants, comme la légalisation des syndicats. Par contre, la pression étatique a développé des nouvelles formes pour détruire les diverses voies d'opposition du pays. En 1991, la loi antiterroriste a été mise en vigueur par le gouvernement de l'époque. Donc, cette loi qu'on trouve actuellement dans plusieurs pays, dans différents formats, surtout, comme on connaît, c'est après septembre 2001, en faisant une vaste définition de l'acte terroriste et toujours un moyen légal de toute pression des souverains contre les voies d'opposition. Donc, surtout en Turquie, celle des Kurdes et des autres groupes minoritaire. Donc après, à partir des années 2000, on arrive à l'époque du gouvernement actuel, AKP, donc c'est la partie de la justice et du développement. Donc ils sont venus au pouvoir et on observe une nouvelle discours de la démocratie avancée, entre guillemets, bien entendu. Donc ça a créé une image d'un pays qui est en train de reconstituer son démocratie en pleine forme aux yeux des pays européens et du monde arabe. Vous avez sûrement déjà entendu que la Turquie, depuis 10 ans, la Turquie est en train de faire des réformes démocratiques. Donc, par contre, en réalité, cette démocratie avancée de la partie actuelle était valide exclusivement pour la population qui défendait leurs idées. Donc, donc le reste de la population du pays était exclu de cette démocratie, cette nouvelle démocratie dite avancée. Donc, qui est vraiment une situation contradictoire avec le propre définition de la démocratie et la justice, parce que on n'a toujours pas de démocratie pour tout le monde. Donc, le problème est toujours le même. Le gouvernement présent, comme salle d'avant, d'ailleurs, ne trouve pas l'équilibre indispensable entre la sécurité et la justice. Donc, ce qu'on arrive à l'été actuel, que nous avons un état, un état de police, donc une sorte de dictatoriat civil. Donc, je vais passer les paroles si. Ouais, peut-être que finalement on peut marquer une petite pause musicale si ça marche, puisque justement c'était bien d'avoir des musiques qui soient un petit peu en résonance avec les propos. On aime bien que les invités ramènent leur musique. Et déjà, en fait, c'est le premier morceau, c'est un morceau de Gavande. D'ailleurs, c'est un groupe qui a été passé de Paris aussi. À Paris, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce groupe. Et on connaît ce groupe aussi par sa participation à beaucoup de manifs politiques, aux manifs des étudiants aussi. Donc, c'est important dans ce cas-là. Voilà. Musique, ça marche ? Ça marche pas ? Attendez, donc il y avait un petit problème de format, on a tenté de rectifier, mais là ça va marcher, c'est ça ? Non, bon, ça ne marche pas. En fait, bon, alors, on y arrivera peut-être tout à l'heure, hein. De toute façon on les écoutera les morceaux, hein. Comme ça, oui. Ouais, hein, on les écoutera, même si finalement on les collera, mais il y a une programmation musicale, elle fera partie du programme. Donc justement, on rappelle pour ceux qui veulent réécouter des émissions, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer la question kurde ici sur FPP. Donc il y a normalement les émissions de radio qui peuvent être qui sont sur le site du CSPCL. J'en profite pour donner le site, donc cspcl.ouvaton.org. Donc là, il y aura l'émission dans quelques temps d'aujourd'hui, et il y a aussi les anciennes émissions. Donc, et on est retransmis aussi tous les jeudis matins. Donc, pour ceux qui veulent réécouter, il y a la possibilité de réécouter le jeudi matin, c'est 8h ou 8h30. Donc là, finalement, je crois que c'est bon. Avant de continuer, maintenant qu'on a dressé le tableau de la Turquie, d'un état policier et de la question des répressions qui sont installées avec la constitution qui couvre tout ça, un petit peu de musique. C'est bon. Musique. Thank you. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, on est ensemble jusqu'à 20h30, donc avec les copains étudiants en France qui viennent de Turquie et qui ont lancé une initiative ici en écho avec la solidarité, le groupe de solidarité qui s'est monté en Turquie. Et donc, ils profitent de l'antenne justement pour sensibiliser les gens. Peut-être que pour ceux qui ne nous écoutent pas jusqu'au bout, on peut peut-être donner un mail pour les gens qui veulent éventuellement entrer en contact avec vous, non ? Mm-hmm. Ou avoir des informations ou, donc, c'est todi.fr, c'est ça ? todi.fr@gmail.com. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, ils peuvent écrire en français ou... Oui, bien ouais, sûr. Oui. Ouais. Donc voilà, ouais, s'il y a des personnes qui veulent entrer en contact ou avoir des informations, sachant qu'il y aura justement des manifestations qui vont être organisées au mois de mars, mm-hmm. donc des initiatives justement pour appeler à la solidarité et on se mobiliser. On vient d'ouvrir aussi une page de Facebook qu'on peut donner... qu'on peut donner aussi, non ? Oui, bien sûr. Ouais, c'était quoi ? Oui, initiative des étudiants détenus. C'est comme ça, en Facebook, si vous cherchez, vous allez trouver... Initiative des étudiants détenus. Détenus en Turquie. Hein ? Oui, c'est ça, oui. Du coup, on va rappeler ça à la fin du c'est ça, programme. C'est ça, mais au cas où il y a des personnes qui, justement, voilà, nous écoutent oui, pas jusqu'au va... bout, au moins, vous pouvez ouais. éventuellement avoir des liens. Et donc voilà, du coup, Alp a commencé en nous posant un petit peu le contexte et donc l'état policier instauré déjà depuis des dizaines d'années avec une répression qui s'abat sévèrement actuellement. Mmh. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a environ 600 étudiants détenus. Et donc, du coup, si tu veux continuer, Nel, pour nous parler justement... Oui, en fait, Alp, il nous a raconté un peu l'histoire de la Turquie après coup d'État des années 80. Et du coup, ce n'est pas une histoire très démocratique, disons, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il a parlé, en fait, il a dit un mot très important, Alp. Il a dit démocratie en apparence, en fait, en Turquie, parce que la Turquie est montrée comme un pays démocratique au pays de l'Afrique du Nord. Du Nord. Et donc, comme un exemple pour les mouvements arabes qui se produisent en Égypte, en Tunisie et dans ces pays-là. Et donc, nous, on nie ça. On renie, on dit que non, c'est pas ça. C'est pas, la Turquie n'est pas un pays démocratique. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de parler avec des chiffres et aussi avec des exemples qui sont vraiment concrets. Et aujourd'hui, on a, comme vous avez dit, on a plus de 500 étudiants qui sont détenus, disons 600. On ne peut pas savoir exactement le nombre parce que l'État il ne nous permet pas d'avoir toutes les informations concernantes. Et toutes ces détentions sont faites par la loi antiterroriste comme vous avez expliqué tout à l'heure. Et donc, en fait, on n'a pas les chiffres parce que précisément, ces personnes-là ne sont pas encore passées en procès, par exemple. Ça aussi, en fait. Et ça change tous les jours. Déjà, en fait, par exemple, si vous prenez à la garde de vue les gens, et après la garde de vue, vous les mettez dans les prisons, même s'ils n'ont pas encore passé des procès. Mais ça peut prendre des années et des années. Donc, il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont même pas passé le premier procès depuis peut-être 2 ans. Et donc, comme vous avez dit, vous avez raison, en fait, ça nous complique les choses. On ne peut pas avoir toutes les informations sur les prisonniers politiques. Spécialement pour les prisonniers politiques, en fait, parce qu'ils font Seulement les étudiants. Pas seulement les étudiants. Mais les étudiants, ils sont détenus par des raisons politiques aussi. Donc, ils sont considérés comme terroristes par la loi antiterroriste avec une définition très vaste et qui est plus ou moins, disons, pareil dans le monde après les attentats de Milan. Et donc, cette loi, comme Alp a déclaré, existait depuis 1991 et donc était actualisée en 2006, donc après 2001, avec le gouvernement actuel. Et Donc, je vous donne quand même quelques exemples. Bon, disons comment ça s'applique en Turquie, cette loi pour les étudiants ou pour les prisonniers politiques en même temps aussi, et les autres prisonniers politiques aussi. Et donc, par exemple, si vous êtes membre d'un parti qui est considéré terroriste par une loi qui n'est même pas très, très claire, vous risquez d'avoir 6 ans et 3 mois de prison, juste être un membre d'un parti, sans faire en fait un petit truc, même pas une manifestation en fait. Vous n'avez pas besoin de faire une manifestation ou je sais pas, ou avoir un cocktail Molotov, des trucs comme ça. Donc vous avez que s'ils disent que vous êtes un membre de ce parti, ils peuvent vous donner 6 ans de prison. Mais donc, quel parti, par exemple? Il y a déjà des partis identifiés comme étant des partis. Oui, il y a le mouvement kurde, par exemple, c'est le premier le premier concerné. Après, il y a des autres mouvements plus ou moins socialistes. Et donc, du coup, vous pouvez être considéré comme terroriste par cette loi. Et donc, si jamais, en fait, vous aimez cette organisation, vous sympathisez, mais vous n'êtes pas le membre. Donc, il vous considère, par rapport à la loi de 2006, il vous considère comme le membre de ce parti. Même pas, ils n'ont pas besoin, en fait, une preuve. Et donc, vous êtes considéré comme le membre de ce parti. Et donc, vous prenez aussi 6 ans de prison. Et après, si jamais vous avez fait une manifestation, en plus distribuer un article que le gouvernement n'aime pas beaucoup, et, vous pouvez avoir, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'années de prison. Et on a quand même pas mal d'exemples sur ça. Et par exemple, il y a des preuves qui peuvent montrer que vous êtes le membre d'un parti politique, d'un parti terroriste. Et en fait, ces preuves sont assez ironiques de temps en temps. Par exemple, porter de kéfir, ou bien des notes en fait sur capitalisme. Sur capitalisme, désolé. Non, pas de problème. Par exemple, ou bien des notes, des livres de Tolstoï qui sont distribués dans le monde en fait partout. Et ou bien les revues légales, facture d'eau. Si vous avez une facture d'eau d'une association qui est considérée, disons, qui est assez légale, mais un jour ils ont dit que voilà, cette facture de cette association appartient à un parti terroriste, et donc facture d'eau qui porte votre nom. Donc peut être un preuve de ça en fait, que vous êtes impliqué dans cette que vous êtes un terroriste avec une facture d'eau, ou bien bâton plastique pour les banderoles, et vous pouvez avoir des bâtons plastiques avec vous, donc ça suffit pour vous considérer comme terroriste et d'avoir 10 ans d'années de prison. Et parapluie, je ne sais pas comment ils ont appliqué ça exactement, mais ils ont compté parapluie dans l'épreuve. Donc, ça peut être une arme sur la pointe du parapluie, peut-être. Bah, c'est possible. Ah oui, vous pouvez taper avec une parapluie, c'est toujours possible. Cerf-volant. Un cerf-volant, peut-être, qui porte un drapeau. Peut-être, c'est même pas nécessaire, en fait. Peut-être un truc qui ressemble à un drapeau, ou bien le couleur qui est rouge un petit peu. Ça peut être une preuve pour ça. Pour accuser. Ou bien, qui sont vraiment très intéressants aussi, citron et des œufs. Et parce que les citrons, en fait, qui peuvent vous défendre des bombes de lacrymogènes. Et aussi les œufs, vous pouvez les attaquer. Les œufs, vous pouvez utiliser pour attaquer en fait la police. Bah oui. Quelle arme! Et voilà, en fait, il y a des exemples un peu assez bizarres. Donc ça a été, ça c'est des dénonciations qui sont appliquées aux étudiants. Ça, bah, par oui, exemple, ça, exactement. En fait, il y a des personnes qui ont été arrêtées pour avoir un kéfié ou enfin la seule preuve ou la seule condamnation, la, le seul crime qu'on pouvait leur incriminer, c'était. Oui. Et oui, les gens qui portent le kéfié, il est accusé en fait, il est condamné pour 45 ans pour l'instant. Ouais, le procès continue. Mais bon, on va parler de lui aussi un petit peu. Et donc, quand on fait en fait un bilan sur la Turquie un petit peu, et du coup, le tableau général, ça devient, on a, je crois, à peu près 13 000 terroristes dans notre pays. Selon les termes de l'État. Et, bien sûr, selon, entre guillemets. Et donc, il représente à peu près 35% par rapport aux chiffres de l'Association des avocats de la Turquie et 35% du monde. Des prisonniers pour terrorisme qui sont comptabilisés dans le monde. Oui, exactement. Donc ça, c'est les chiffres de l'Association des avocats de la Turquie. Et donc, la plupart sont des Kurdes et des mouvements de Kurdes. Mais aussi, bien sûr, disons, il y a des gens qui sont des socialistes. Et il y a des gens que le gouvernement n'aime pas beaucoup non plus. Ben, ils sont pas, vous n'avez pas besoin d'être vraiment engagé. Et c'est juste si le gouvernement n'aime pas vos si idées. Si on n'est pas affilié au gouvernement, il n'y a pas de place. Et donc, voilà, en général, ce qu'on peut décrire. Mais par contre, peut-être pour un peu situer, parce que là, on parle des étudiants, ça, bon, des prisonniers politiques, il y en a eu déjà depuis des années, on comprend bien la question kurde et pas seulement. Ça arrive un peu dans tous les pays. Par contre, sur pourquoi les étudiants actuellement, au niveau des médias, là, récemment, on en a entendu parler, justement par rapport à la privatisation, par exemple, des cantines, ça a été l'une des choses qui a été relayée au niveau des médias. Oui. Mais du coup, ça paraît relativement récent pour nous. Enfin, voilà, c'est il y a quelques semaines, quelques mois. Mm-hmm. Par contre, du coup, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir eu déjà quelques mois. Ça fait déjà plus longtemps qu'on... Oui, plus quelques années quand même. Mais sur les prisonniers, sur les étudiants tout précisément. Bah, en fait, il y a eu toujours des étudiants dans les prisons en Turquie. Ouais, parce qu'ils étaient engagés politiquement. Mais je veux dire, comme là, il y avait eu l'impression d'une... Oui, disons, depuis 2 ans, plus ou moins, ça a été augmenté, en fait. Intensivement. Donc, ce n'est pas forcément que lié à la question de la privatisation, de l'éducation, les mobilisations. Enfin, je dis ça parce que là, les étudiants pourraient penser qu'effectivement, ils se mobilisent par rapport à la question de la privatisation des, en général, de l'éducation de manière générale, mais il y a aussi sans doute des manifestations. Contre, par exemple, l'augmentation des billets de transport. Il y avait beaucoup de manifs. Et du coup, ça aussi, c'était une cause pour être membre d'une organisation terroriste. Et du coup, en fait, il y a une anecdote très, très intéressante. Dans un des procès, l'étudiant dit que, en fait, moi, j'ai participé à cette manifestation contre l'augmentation de transport. Pas parce que je veux diviser le pays, mais parce que c'était très, très cher. Des billets de transport. Donc ça montre très bien comment, en fait, arbitrairement, les autorités peuvent transformer la raison de détention. Voilà. Avant de continuer, on fait une petite pause musicale. Oui. Et peut-être que Beryl peut nous présenter le morceau qu'on va écouter. Okay. C'est juste une petite information et un exemple, les étudiants prisonniers. Et le prochain morceau, c'est un groupe Yorum. Il est créé en 1983. Et on connaît beaucoup de personnes qui étaient dans le prisonnier pour vendre des billets ou pour aider des organisations d'un concert. Donc, ça a été interdit, les concerts, vendre des billets. Et dans les quelques concerts, leur instrument musique était cassé. Par contre, l'année dernière, il fait un concert en Turquie avec 150 000 personnes. Voilà. C'est un groupe révolutionnaire de la Turquie, en fait, des années 80, qui continue toujours assez engagé. Alors, on écoute musique. geçeceksin kavgada düşenlerin. Rüzgar esende, kar eriyende, tohumlara ırmak ırmak su yürüyende. Havalar kur, dağlar boyu, kondular sokaklar boyu. Eller katılsın coşkuna. Haydi kol kola, hey! Haydi kol kola. FPP, la jungle des luttes. Donc on est autour de la question des étudiants prisonniers politiques et on va s'étendre au fur et à mesure après sur la question des prisons et des conditions des prisonniers politiques plus généralement. Par contre, avec Esgui, on va prendre l'exemple de quelques étudiants, puisqu'on le rappelle, ils sont 600, mais il y a quelques cas précis qui permettent d'illustrer un petit peu la situation. Sachant qu'il y a en plus, justement, aujourd'hui, c'est une date anniversaire pour l'un d'eux. Enfin, on n'a pas à se réjouir, justement, mais tu commences par lui ? Oui, parce que justement, c'est un étudiant qui est emprisonné depuis un an aujourd'hui. Ouais, en fait, deux ans. C'est Cihan Kırmızıgül qui a été arrêté deux ans avant, aujourd'hui, le 20 février, dans un quartier Istanbul. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ses camarades, ce matin, ce midi, a fait une manifestation pour faire un appel à la solidarité avec Cihan dans son deuxième année. Et on a parlé avec eux on a dit que c'était très bien. Il y avait beaucoup de gens qui avaient soutenu cette manif. Donc, on a cette nouvelle-là. Pour raconter un peu son histoire... En fait, la raison de son arrestation était une attaque de cocktail Molotov qui a été faite dans le même quartier où il se trouvait en ce moment-là. Et le preuve de police était juste un kéfier que portait Cihan en ce moment et perçu comme un signe potentiellement pour un acte terroriste. Et pour ceux qui ne connaissent pas le kéfier, en fait, c'est une foulard, un accessoire simple qu'on peut acheter partout, même à Paris, mais qu'on utilise traditionnellement à l'est de Turquie et dans beaucoup de pays arabes. Et donc, Cihan, étudiante d'ingénierie d'origine kurde, en fait, selon ses amis et son frère, n'était pas une personne engagée. Mais avec son exemple, on a vu aussi que vous n'avez pas besoin d'être vraiment engagé. Et le fait que vous êtes kurde ou vous portez un kéfier, c'est suffisant pour la police ou les autorités que vous soyez soupçonné pour commettre un acte terroriste. Donc ça montre très bien comment toutes ces détentions se font de façon très arbitraire. Et dans son acte d'accusation, on s'appuie juste sur cette preuve de kéfier et aussi sur les paroles d'un témoin secret. Par contre, on a vu qu'en troisième séance du procès, cet témoin secret avait même défendu que, en fait, c'était pas Cihan la personne qui l'avait vu. Il a renoncé, en fait, il a changé son idée. Il a dit que c'était pas Cihan. Même avec cette déclaration, son détention a continué jusqu'à aujourd'hui. En plus, il juge encore avec 45 ans. Oui, oui. Cihan est considéré comme un membre d'une organisation terroriste armée, mais quand on fait totalité de tous ces articles, parce qu'avec un Molotov cocktail, on dit que vous avez fait un danger à une immeuble public. Et tous ces articles, quand on fait total, ça fait 45 années, et c'est vraiment impossible d'accepter. Donc, depuis deux années, Cihan est également privé de son droit à l'enseignement. Et donc, depuis deux années, il ne peut pas, bien sûr, ni aller à l'école, ni entrer dans ses examens et tout. Ça aussi, c'est un sujet très important parce que tous ces étudiants qu'on a parlé sont privés de leur droit plus basique de faire éducation, de enseignement, et en même temps ils luttent avec toute cette série de disciplines de l'école à près de l'université, en fait construite par les lois de Yuk, qu'on peut parler après en détail aussi. Mais alors du coup là, quand tu disais si on cumule tout, il pourrait être condamné à 45 ans, c'est-à-dire il n'a pas encore été jugé. Il est en attente du jugement. Oui, en fait, le procès continue. Le procès continue. La prochaine procès, c'est 23 mars. Et en fait, pour ceux qui peuvent aller, on fait aussi appel à ça. C'est à 23 mars à Istanbul, à Çalayan. Le matin. Bah, vous pouvez voir aussi sur Internet, sur le site de Todi, et aussi sur notre Facebook. Voilà. Todi.fr@gmail.com. Et vous pouvez nous communiquer aussi directement en nous écrivant un mail. Nous évoquons depuis ici notre solidarité avec Jihan. Et pour cela, en fait, on a décidé de lui dédicacer un morceau de Kardeş Türküler. C'est un groupe des étudiants aussi. C'est un groupe formé par les étudiants. Et c'est un morceau en kurde. Voilà. Musique. Dubai'e hoş. Gide golo civano, hoş geldin. 6.3 Jungle des luttes, on est encore ensemble 40 minutes avec les copains qui sont à l'origine de l'initiative de solidarité pour les étudiants détenus donc en Turquie. On continue avec Ezgi qui nous parlait de Cihan qui était déjà en prison depuis 2 ans en attente de sa condamnation et donc avec la possibilité de se mobiliser puisque tant que le procès n'est pas clos, il y a des possibilités vu qu'il n'y a pas de preuves véritablement tangible. Donc il y a un appel à mobilisation le 23 mars. Peut-être que vous ferez quelque chose ici aussi. Le 23 mars, en fait, c'est le jour de procès, de séance de procès. Peut-être, oui, on peut faire. Il y a plein de procès qu'on voudrait participer, en fait, nous-mêmes. Mais on est ici en... C'est ça, mais je voulais dire de faire des mobilisations ici pour... En fait, à la fin du programme, on va parler d'une autre campagne. Parce qu'on va faire un repas de solidarité et aussi un 31, une autre activité pour évoquer la... Manifestation plutôt, en fait. Manifestation, le 31 mars. Redis peut-être le blog pour ceux qui veulent regarder, non ? Étudiants, initiative étudiants détenus, non ? C'est oui, pas ça ? En fait, cette blog, c'est en turc, mais ici, on essaie de former une, ici, sur nous-mêmes. Facebook. Mais pour l'instant, vous pouvez suivre sur Facebook. Ok, voilà. Donc comme ça, on suivra au fur et à mesure les possibilités d'initiative. Ou envoyer un mail direct par todi.fr. Et je vais continuer par un deuxième cas qui est très, très important aussi. C'est le procès de Hopa. En mai 2010, à Hopa. Hopa, c'est une région de la mer Noire où il y a beaucoup de gens originaires de Géorgie. Et on voulait en fait mettre une centrale hydroélectrique là-bas. Et il y a eu un manif contre cette situation du peuple elle-même, avec beaucoup des étudiants aussi, contre la construction de cette centrale hydroélectrique. Et en ce moment, le président actuel avait fait une visite pour propagande des élections, en même temps, à Hopa. Et pour cela, il y avait plein de police là-bas et tout. Et pendant cette manif contre le peuple de Hopa, il y a eu une attaque de police très massive. Et l'utilisation de gaz lacrymogène massif a causé à la mort d'un prof élémentaire qui est Metin Lokumju, qui avait, je ne sais pas combien d'années, 55 années. Il était un prof élémentaire. Et donc, pour protester son mort et toute cette attaque faite contre le peuple de Hopa, il y a eu simultanément des manifs dans plusieurs villes. Et pendant le manif qui a eu lieu à Ankara, le 31 mai, le même jour, une dizaine d'étudiants ont été arrêtés pendant cette manif. Et encore une fois, la cause de détention s'était faite dans le cadre de la loi antiterroriste. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pendant les manifs de Hopa, le procès des manifs de Hopa, il n'y avait pas une accusation par la loi antiterroriste, mais les étudiants qui ont protesté la mort de Metin Lokumju et l'attaque faite par police pendant cette manif. Dans ce procès-là, l'acte d'accusation a été fait par la loi antiterroriste. Donc, il y a déjà une contradiction entre les premières preuves, entre les réalités. Ouais. Mmh. Donc, dans leur acte d'accusation, les étudiants sont accusés, comme dans les autres exemples, d'être membres d'une organisation terroriste armée, et dont les preuves, cette fois-ci, c'était les livres, même une parapluie. La parapluie, c'était une des preuves dans ce procès-là. Et une autre truc intéressant qui passait dans les actes d'accusation était qu'il y avait des même nombre des organisations politiques comme THKPSC qui n'existent plus. Donc c'est vraiment, ça montre aussi qu'ils ne savent vraiment rien à propos de l'histoire de ces organisations, parce qu'ils peuvent mettre très bien le nombre d'une organisation qui n'existe plus en tant que... organisation terroriste actuelle. Ouais, mm-hmm. c'est vraiment un truc important de souligner. Et du coup, en fait, pendant le procès, il y a une anecdote. Un de ses étudiants, Salchuk Kozaçlı, il dit que vous ne pouvez pas considérer THKPC en tant qu'organisation terroriste. Il dit parce que le concept même de terreur rentre dans le lexique judiciaire de Turc à partir des années 91. Par contre, cette organisation politique existait déjà avant. Donc, cette anecdote montre aussi très bien la situation. Et là, on voit que l'imaginaire de police et des procureurs joue un rôle très important, déjà pour former les actes d'accusation, parce qu'on voit que il y a les accusations se font après les détentions, oui, ce qui doit être l'inverse, parce que après faire les détentions, on cherche quelle organisation politique peut être ou quel acte terroriste on peut le nommer. Donc ça montre très la situation. Et donc eux aussi, ils sont en cours de procès. Oui, c'est en cours de procès. Par contre, il faut souligner que les étudiants sont déjà libérés, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont protesté ça. Et en fait, cet exemple, on peut dire que ça montre comment la solidarité peut marcher pour que les procès peuvent sortir en se mobilisant. Et donc... la prochaine séance, mais le procès, même si les étudiants sont libérés, continue, le procès continue, bien sûr. Sans détention, mais ça continue. Et la prochaine séance, c'est le 13 mars 2012 à Ankara, pour ceux qui peuvent aller. Et si vous voulez, on peut mettre ici un morceau de Mer Noire, de cette région d'Europa, près de là-bas, de Kazım Koyuncu, un chanteur qui est mort. Ça fait pas longtemps. Oui, c'est en fait cette chanson. Il fait des chansons plutôt de la région du nord de la Turquie, des chansons traditionnelles à la façon un peu acoustique, disons mélangées un peu à l'européen. Donc on peut écouter ça. Ça marche, musique. Ella mesela en tükare viyella en tükare nakşenin yar astikası yüz Allah en tükare nakşenin yar astikası yüz Allah lustika eran kişer rider tagas kişer lustika eran kişer rider tagas kişer hede çase mergeli yar viyeler tagas kişer hede çase mergeli yar viyeler tagas kişer Kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kukuli, kuk 106.3 FPP, eh bien, on est dans la jungle des luttes. Donc, on est avec Naïl, Alp, Idil qui est parti, Esgui et Berin. Mais bon, je pense qu'Idil va revenir. On continue donc, du coup, avec l'exemple d'un troisième étudiant, exemple. Donc parmi les centaines d'étudiants détenus récemment. Notre troisième cas, c'est celle de Youssouf Djan. Et ses camarades, ses quatre camarades, ce sont cinq étudiants de l'université de Ankara qui ont été suivis et arrêtés par la police civile dans un parc de Ankara le 20 janvier 2010. La raison de leur arrestation était un plan de manif que ces étudiants avaient planifié selon le soupçon de police. Encore une fois, Qu'ils avaient planifié une manifestation. Oui, qu'ils avaient. Mais c'est une soupçon, en fait. Soupçon de police. Donc le soupçon de police devient une preuve ou une raison pour faire la détention, faire l'arrestation. Mais bien entendu, ces cinq étudiants sont des étudiants engagés. Ils avaient participé à beaucoup des manifs en décembre et janvier 2010, en Otu, dans une université Moyen-Orient, technique de Moyen-Orient, qui est une université, on peut nommer, politique, qu'il y a des étudiants engagés là-bas. Et ces manifestations auxquelles ils ont participé, c'était des manifestations contre les politiques de AKP, spécialement contre l'établissement d'enseignement supérieur, les politiques de YEUC et tout ça. Mais l'arrestation se fait après, 10 jours, 15 jours après de ça. Donc ça n'a pas rien à voir, mais ça montre aussi la possibilité de que les polices civiles peuvent suivre les étudiants quand ils veulent et comment ils veulent. D'ailleurs, on a une amie en Istanbul qui a dit qu'il y a vraiment une augmentation des polices civiles dans les universités, ce qui montre aussi une situation dangereuse, la pression. Bon, dans leur acte d'accusation de ces cinq étudiants, ils sont accusés d'être membres de quatre différentes organisations terroristes, à la fois, qui est pratiquement impossible, qui est aussi un des cas ironiques. Youssouf Djan, un de ses étudiants, d'ailleurs, c'est frère d'une amie à moi, très, très proche, il souligne dans sa lettre qu'il a écrit 7e mois de son détention que quand il a vu dans son acte d'accusation qu'il est accusé par être membre de quatre organisations terroristes, il demande à la police, il a son avocate avec lui, et il demande à la police à quelle organisation j'appartiens. Il demande à la police et la police lui répond une de ces quatre. Ne t'inquiète, on va choisir une. Que ce soit l'une, l'autre. Voilà, oui. Donc, c'est aussi ça montre l'arbitrarité de détention. Et en fait, c'est pour cela que, par exemple, dans cet exemple, on voit que l'acte d'accusation se prépare des mois après la détention, ce qui fait que la durée de longue durée de détention devient pénalité en soi. Normalement, c'est une injustice aussi, parce que vous ne pouvez pas arrêter détenir des gens sans savoir les preuves. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, là aussi, un autre point important, après une année, non, 10 mois de son arrestation, on sait que sa mère, la mère de Youssouf Tchan, Melek, a été arrêtée aussi par la police parce qu'il défendait son fils. Et il croit juste à son fils, pas à toutes ces histoires de procureur, de police. Et elle défendait son frère. Donc, ça montre aussi la pression psychologique que les autorités peuvent appliquer sur la famille entière. Donc, c'est vraiment important de souligner ça, je crois. Voilà, ce sont les exemples qu'on peut énumérer ici. En fait, ils sont infinis, mais pour des raisons diverses, on ne peut pas aussi expliquer tous. Et on a même quand même essayé de montrer les exemples dont les infos on a accès. Ah, du coup, en fait, il faut dire que Youssouf Tchan a été libéré avec un autre ami, mais les autres trois étudiants sont encore en prison, détention. Et leur procès prochain, c'est demain à Ankara, pour ceux qui veulent aller. Voilà. Là, peut-être, on peut parler un peu des conditions de prison. Oui, moi, je soulignerais juste qu'effectivement, c'est toujours incroyable de s'apercevoir que d'un pays à l'autre, il y a effectivement des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui croupissent en prison pour de fausses accusations, justement, une histoire de parapluie. Au Mexique, la spécialité, c'est éventuellement de mettre de la drogue. Donc là, tu n'as même pas besoin de monter des dossiers qui ne tiennent pas debout. On te fout de la drogue. Et donc là, ça y est, c'est plié. Donc effectivement, il n'y a pas un travail politique. Tu es finalement... alors que tu es un leader, effectivement, et qu'on a bien voulu t'arrêter parce que tu es leader d'un mouvement social, on te fout en prison en t'accusant de trafic de drogue, par exemple, bon, sachant qu'effectivement, maintenant, avec la guerre contre le narcotrafic, ça devient aussi de plus en plus compliqué et très tendu au Mexique, puisque donc, je rappelle que les chiffres depuis 5 ans au Mexique, finalement, il y a 50 000 morts qui sont comptés, donc on a... pas non plus les chiffres des prisonniers ni ceux des disparus. Donc, il y a des situations quand même assez affolantes dans un certain nombre de pays. Donc, effectivement, c'est important de se mobiliser. L'importance de la solidarité internationale, c'est aussi un peu la vocation du programme de la Jungle des Luttes. C'est d'essayer aussi justement d'inviter des gens pour pouvoir nous donner des informations de l'intérieur. C'est-à-dire, vous connaissez des gens, vous êtes vous-même concernés à travers. Et donc, voilà, on a goût à essayer de faire rebondir un petit peu ces luttes et de voir que finalement, on ne peut pas rester isolé, puisque c'est les mêmes principes qui sont appliqués par tous les États, avec une police au service et justement des constitutions qu'on peut facilement transformer et justement des conditions dans les prisons qui ne sont pas forcément les mêmes. Tout est un petit peu différent, mais le résultat est vraiment... c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la pression, la répression, l'oppression des gens qui s'organisent, et notamment justement des jeunes, qui est quand même aussi une donnée importante. Oui, donc... Toi, tu voulais peut-être un peu parler plus précisément justement de ce qui se passe dans les prisons, puisque une fois qu'on a arrêté... On vit dans ces prisons et faut se rapprocher un peu du micro. Donc, en fait, comme Esgui a dit que les exemples sont infinis, on ne peut pas tout compter parce qu'il y a autant de prisonniers politiques qui sont accusés des raisons qui sont bêtes, tout simplement. Et pourtant, malheureusement, tout se termine en prison. Tous ces exemples, presque tous ces exemples, se termine en prison, au moins une année, deux années, ou peut-être 30 années, ou 40. On ne sait pas. Mais ça continue toujours. Et donc, le gouvernement de la Turquie, ils ont développé un système de prison et pour les prisonniers politiques. Qui en fait, ce modèle a été pris normalement depuis, a été pris de l'Europe, qui a été appliqué aux années 70 en Italie et en Allemagne. En Italie, ça a été appliqué pour les Brigades Rouges spécialement, ouais. Et en Allemagne, qui a été appliqué pour Red Army Fraction. Ces prisons se basent en fait l'isolation. En fait, le fonctionnement des prisons se base sur l'isolation des gens. Du coup, vous restez tout seul dans une cellule ou bien avec deux personnes. Et donc, vous ne voyez personne pendant des années. Et donc, ou bien vous restez juste avec deux personnes avec vous. Donc, il y a des cellules avec une personne et des cellules avec trois personnes. Et donc, au bout d'un moment, vous avez sûrement des problèmes psychologiques où il y a des gens, on a rencontré des cas, en fait, des gens oublient comment parler. Ou bien, de temps en temps, ils oublient leur vie, ou de temps en temps, même, ils oublient leur famille. Et donc, cette logique a été appliquée en Europe aussi. Donc, il y a eu des luttes en Europe, en Allemagne, un petit peu. Et nous, on a regardé aussi quelques films ou quelques livres sur ces luttes-là. Et les prisonniers politiques en Turquie, ils ont plutôt suivi la lutte aussi après les années 80. Donc, ils ont pris l'exemple de l'Allemagne un petit peu. Mais ils ont développé la lutte beaucoup plus profondément. Donc, de l'intérieur des prisons. Les prisonniers qui ont lutté de l'intérieur. Les prisons de type F, c'est des prisons cellulaires qui appliquent l'isolation, ont été créées en 2000. Mais ça, c'est des secteurs à l'intérieur de la prison ou c'est vraiment des prisons spécifiques, c'est-à-dire des prisons isolées ou bien c'est des secteurs à l'intérieur d'une prison? Non, c'est des prisons vraiment, une architecture qui est faite, en fait, une architecture de type F qui est faite pour les prisonniers politiques, une prison toute seule, juste vous avez des prisonniers politiques et tous les chambres, soit toutes les cellules, soit une personne, soit trois personnes en fait. Donc il n'y a pas une autre, un autre endroit que... qu'il y a des autres prisonniers. C'est en fait que les prisonniers politiques qui sont, entre guillemets, traités dans ces prisons. Et donc, ils sont considérés comme des malades, bien sûr. Donc, du coup, ils essaient de les traiter avec l'isolation. Bah, je ne sais pas quelle logique, ça, mais bon. Et donc, ces prisons a été, en fait, l'idée à sortir à l'année 96. D'abord, le premier essai, c'était à l'année 96. Et donc, il y a eu la grève de la faim à l'année 96, donc, où il y a eu en fait 12 morts à la fin de la grève de la faim. Et donc, du coup, avec ça aussi, il y avait un très grand mouvement, un mouvement vraiment fort. Et à la fin de ce mouvement-là, le gouvernement a décidé de décaler d'ouverture des prisonniers. Et des prisons de type F pour les prisonniers politiques. Et aux années 2000, ils ont vu que c'était très nécessaire pour eux, pour le gouvernement, en fait, c'était très nécessaire d'ouvrir ces prisons-là. Donc, le 19 décembre 2000, ils ont fait une opération avec 32 000 soldats. Et l'État a attaqué à ces prisons avec 32 000 soldats. Donc, pour juste faire rentrer 2 000 prisonniers politiques dans les types F, en fait, dans les prisons type F. Donc, il y a eu... en fait, ils ont brûlé les gens. Ils ont fait des attaques vraiment très fortes avec des bombes chimiques dans les prisons. Donc, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien. Donc, juste à ce moment-là, il y a eu 38 morts à ce jour-là. Et après, les prisonniers politiques, comme ils n'avaient pas le droit de parler avec eux, comme ils étaient très isolés, donc ils voulaient justement avoir le droit de se voir. Donc ils ont continué à lutter. Ils ont recommencé à la grève de la faim, mais qui va continuer plus ou moins 6 ans. Donc, il y a eu des groupes de grèves de la faim. Le premier groupe, quand ils sont tous morts, il y a un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe. Ils ont commencé. Et aussi, il y a eu des mouvements jusqu'à l'année 2006 et 2007. Au début de 2007, ils ont gagné le droit de parler 10 heures par semaine. D'être sorti de leur cellule pendant 10 heures. Pendant 10 heures par semaine, bon, qui n'est pas suffisamment assez. Mais quand même, ils ont... Il y avait eu un gain de cette lutte qui a duré 6 ans, ce qui est quand même... Oui, il y a eu une résistance quand même très remarquable. Et après ça, en fait, les conditions actuelles ne sont pas très positives non plus. Et pour justement, en fait, toutes les lettres ou tous les livres sont censurés. Et pour les lettres que vous envoyez ou les lettres que vous recevez, tous sont censurés, en fait. Si jamais ils ne veulent pas que vous lisiez une phrase, ils suppriment tout de suite. La lettre en entier ou la phrase Ça peut être les deux, en fait. Ça dépend de leur psychologie un petit peu. Psychologie de la police. Et donc c'est valable autant pour les hommes ou pour les femmes, ce type de prison, ou finalement ça concerne plutôt des hommes Ça concerne plutôt des hommes. Et pourtant, les femmes ne sont pas dans les meilleures conditions non plus. Mais elles sont quand même dans les prisons F. Il y a les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas des femmes prisonniers politiques qui ne sont pas dans les types F, mais bon. Il y a quand même eu des... Il y a quand même eu... Pendant l'opération à la vie, ce que tu as parlé, à 2000, il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes. Il faut souligner ça, en fait. Il y a eu 6 femmes qui étaient, par exemple, enfermées dans une chambre, bon, disons chambre de prison, et ils les ont brûlées, en fait, ces 6 femmes-là, par exemple. Et après, aujourd'hui, par exemple, droit de visite... Et vous pouvez pas voir vos amis. Vos amis ne peuvent pas vous visiter, en fait. C'est uniquement la famille. Et uniquement par le téléphone. Donc vous voyez même pas presque votre enfant. On peut pas avoir de contact physique. Ouais, vous pouvez pas avoir un contact physique, non. Ça c'est pas possible. Mais même, en fait, ils ont mis des petites fenêtres comme ça, et donc vous pouvez pas les voir facilement non plus. Oui, c'est vraiment pas du tout la grande vitre, c'est à travers. Après, si jamais, en fait, pendant la journée, ils veulent vous torturer, ils viennent la journée, ils vous disent que debout, je vais te compter. Par exemple, vous êtes tout seul dans la cellule, ils vous disent debout, je vais te compter. Ils vont faire un comptage, mais de toute façon, il est tout seul. Mais c'est tout ça, en fait, des tortures psychologiques pour vous faire peur, plus ou moins. Et aussi, ces gens-là, on a parlé plus ou moins, en fait, les accusations. Et vous avez parlé des accusations au Mexique aussi, les accusations qui consistent aux preuves qui ont été prises sous la torture. Par exemple, des papiers qui ont été signés pendant la torture, sous la torture. Oui, ça, c'est effectivement des cas fréquents au Mexique. Oui, c'est un cas fréquent en Turquie. Par exemple, c'est mon cousin. Moi, j'avais 2 cousins qui ont été pris dans la même manifestation, exactement des mêmes raisons. Et donc, un des deux a eu beaucoup de torture, donc il a dû signer un papier. Et l'autre, il n'a pas signé ce papier parce qu'il a résisté un peu plus que lui. Et du coup, le premier, il a eu à peu près 12 ans de prison. Et l'autre, il est sorti dans 3 ans. Et donc, ça change beaucoup de choses quand même, la torture. Et ça continue toujours, malheureusement. Ça continue toujours pour nos amis étudiants. Aussi, par exemple, il y a des amis qui sont dans la prison, on prend leurs chaussures et on ne leur donne pas. Et au bout d'un moment, ils deviennent malades. Ben, on prend leurs chaussures, même pas, on n'arrive même pas à trouver une raison, en fait. On prend les chaussures. C'est juste pour torturer. Donc ça, par contre, ces étudiants ne sont pas dans les prisons F pour le moment. Ben, si. Ceux qui sont dans les prisons F, non. Si, ah, d'accord. Okay. Tous sont dans les prisons. Tous les prisonniers politiques sont dans les types F, en fait. Oui, type... Il y a quand même, de temps en temps, des exceptions. Mais donc, disons 90%. Même parce qu'il n'y a pas des prisons de type F partout en Turquie ou si bah, ils travaillent assez bien quand même pour ça. Pour faire ça. Non, mais il y a quand même... normalement, il n'y a pas assez pour l'instant, mais ils vont construire encore. À mon avis, ils sont en train de construire, mais ils ne disent pas l'information en fait, où ils construisent les prisons. Parce qu'apparemment, ça ne suffit pas. Ceux qui... Oui, mais de toute façon, s'ils arrêtent de plus en plus de personnes, forcément, on est obligé de construire des nouvelles places. Par rapport aux chiffres de l'association des avocats, en fait, en total, en Turquie, on a plus de 200 000 prisonniers aujourd'hui, en fait, en total. Donc, donc ça a augmenté 50 000 ces dernières, je crois, 5-6 ans. Et il y a quand même un problème. Oui, puis justement, vous vouliez aussi nous donner quelques chiffres justement par rapport à la question de la liberté. Oui, c'était parce qu'on n'avait pas un autre morceau à écouter, nous. Oui, on a... Alors, c'est pour ça, si on voulait écouter un morceau, notre générique, on pouvait quand même donner... Oui, on a un dernier morceau. Bon, alors, on met un petit dernier morceau et comme ça, on se retrouve vite fait pour les trois dernières paroles. D'accord. À tout de suite, musique. Jungle des luttes. Donc, on finit avec les copains de l'initiative de solidarité pour les étudiants détenus en Turquie. On est sur la fin du programme. On se retrouvera de toute façon le mois prochain, dans le troisième lundi du mois, avec probablement des Argentins et les copains du festival Pico et Pala. Donc, ce sera ça pour le troisième lundi du mois de mars. Et en attendant, les derniers mots à vous. Oui, donc pour finir, je vais donner quelques exemples de cette démocratie avancée de AKP. Avant, quand je parle ici en France avec les étudiants, tout le monde me dit que c'est la Turquie, depuis 10 ans, ça améliore, la situation s'améliore. Donc tout le monde est très content, mais ce n'est pas vrai. Donc nous, on a voulu vous dire ce soir, on a voulu vous montrer ça. Donc je vais vous donner des chiffres. Donc nombre de détenus pour terrorisme à travers le monde, et c'est 35 117. La Turquie représente 37% de ce nombre. Donc ça fait 12 897. Donc les opérations menées contre le mouvement kurde depuis 2009 ont engendré plus de 8000 gardes à vue et presque 6200 emprisonnements. Plus de 100 journalistes détenus à ce jour. Près de 1000 académiciens, écrivains, éditeurs, avocats sont détenus. Et 15 ans de prison requis contre les étudiants revendiquant leur droit à l'enseignement gratuit. Donc nous, en tant que des étudiants de Turquie en France, ne restons pas sans voix devant cette situation antidémocratique et voulons attirer l'attention de l'opinion publique. On vous invite à participer à cette lutte avec nous, car on sait que c'est une lutte contre le système capitaliste qui marginalise tous les groupes d'opposition et minorités dans tous les pays à travers différentes formes d'oppression. Donc on vous invite à tous à notre repas de la solidarité au mois de mars et notre activité simultanée avec le Gangsan le 31 mars. Donc vous pouvez trouver tous les détails sur notre page de Facebook. Vous pouvez chercher l'initiative de solidarité avec les étudiants détenus. Sinon, pour toutes les autres informations, vous pouvez nous envoyer un mail à todi.fr@gmail.com. Ben, merci beaucoup à vous cinq d'avoir été présents. Merci à Pablo et Magali pour la technique. On rappelle que le CSPCL se réunit tous les mercredis soirs à 20h30, 33 rue des Vignoles, dans le 20e à Paris, métro Avron. Donc c'est une assemblée ouverte. On invite tout le monde à venir si vous voulez avoir des informations ou éventuellement parler d'une lutte à ce programme dans la jungle des luttes. Et donc on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous. La Lucha sigue ici, là-bas. Solidarité internationale. Ciao.